Dès la première matinée qu'il passa au château, Monsieur de Sentis fut engagé courtoisement à accompagner Monsieur de Morescan et deux ou trois de ses hôtes à la sellerie pour y faire un peu d'escrime, si le cœur lui en disait. Monsieur de Sentis dit qu'il serait enchanté de se dérouiller le poignet, attendu qu'il y avait très longtemps qu'il n'avait tiré. Après avoir espadonné contre le mur pendant quelques minutes, il accepta un petit assaut anodin avec le maître de la maison. Ils se mirent donc en présence, et M. de Morescan ne fut pas peu surpris de trouver dans ce chétif personnage un adversaire des plus sérieux. Ce petit homme, frêle, avait un coup d'œil, une souplesse et des allonges de tigre. Un peu étonné d'abord par la vigueur du jeu de M. de Morescan, il se remit vite et prit un avantage absolu dans la seconde partie de l'assaut. M. de Morescan, piqué, dit en riant qu'il espérait avoir sa revanche le lendemain. « Soit, dit M. de Sentis, tout à vos ordres, mais je vous avertis que maintenant je vous tiens et que vous me toucherez quand ça me fera plaisir. « Nous verrons ça, dit M. de Morescan très sèchement. Jeanne avait assisté ce matin-là, comme de coutume, à la séance d'escrime. Elle en sortit avec un air de gravité et de méditation qui ne lui était pas habituel depuis qu'elle était entrée dans sa seconde manière. Elle fut rêveuse tout le jour. Elle ne manqua pas de se rendre à la séance du lendemain. Monsieur de Morescan et le capitaine de Sentis engagèrent un assaut auquel la petite scène de la veille prêtait un intérêt exceptionnel. La curiosité de tous les spectateurs était manifestement surexcitée. Mais celle de Madame de Morescan était portée au dernier degré, et ses traits tendus exprimaient, pendant qu'elle suivait les phases et les péripéties de la lutte, un intérêt, ou plutôt une anxiété, tout à fait hors de mesure avec les circonstances. Cet assaut fut un désastre pour le baron de Morescan. Le jeune officier de chasseur, quoique très inégal à son hôte en force musculaire, n'en était pas moins, sous sa frêle apparence, d'une trempe d'acier. Il était dès longtemps passé maître en fait d'escrime, et il s'était vite rendu compte des faiblesses et des lacunes du jeu, d'ailleurs très redoutables, de M. de Morescan. Il avait reconnu qu'il avait sous les armes le défaut habituel des hommes très vigoureux et très sanguins, c'est-à-dire la tendance à trop compter sur leur vigueur et à abuser même inconsciemment des effets de force. Doué lui-même d'une légèreté et d'une précision de main incomparables, et aussi sûr de son œil que de sa main, M. de Sentis ne laissait aucune prise à son adversaire. Il le troublait et l'éblouissait par des feintes rapides, profitant des écarts auxquels se livrent toujours dans la parade les épées violentes, pour lancer des dégagements d'une vitesse foudroyante. M. de Morescan avait devant lui une épée invisible et intangible. Il ne la sentait, pour ainsi dire, que quand elle touchait sa poitrine. En résumé, il reçut dans cet assaut 5 ou 6 coups de bouton et n'en donna pas un seul. L'amour-propre, très irritable, de M. de Morescan ne lui permit pas d'avouer son infériorité décisive. Il convint seulement qu'il n'était pas en train ce jour-là. Il voulut renouveler l'épreuve les jours suivants. Mais elle ne lui réussit pas davantage. Et s'il parvint 2 ou 3 fois, dans autant d'assauts successifs, à faire sentir le bouton de son fleuret à M. de Sentis, il parut évident à tout le monde que celui-ci y avait mis de la politesse. Bref, ennuyé et dépité, M. de Morescan s'abstint dès ce moment, sous différents prétextes, de faire des armes le matin.